Chapitre 2. Le buvetier Bosch et la Brabançonne. À Middelkerk, le 2 août, il y avait grande animation sur la digue. Les journaux venaient justement de publier le texte de l'ultimatum de Guillaume II au gouvernement et à la nation belge. L'indignation était à son comble. « Comment, disait-on, cet empereur Guillaume, que nous avons fêté à Bruxelles il y a quelques mois, cet empereur Guillaume qui a été l'hôte de nos trois rois, l'hôte de la nation belge, c'est lui-même qui vient nous jeter à la face cette sanglante injure. » De la villa que nous habitions, nous pouvions voir des groupes de 15, 20 et 30 personnes assemblées çà et là sur la plage. À un certain moment, plusieurs de ces groupes se réunissent, forment un contingent imposant et se rendent processionnellement devant la porte d'un certain estaminet. J'ai oublié le nom du propriétaire de cet établissement. Quoi qu'il en soit, c'était un Allemand. La façade de l'imposante gargote était ornée à chacun de ses trois étages d'une inscription, en allemand naturellement. C'était une réclame en faveur de quelques bières allemandes, brunes ou blondes. Ce ne fut qu'un jeu et l'affaire d'un moment de descendre la première enseigne, celle du premier étage. Pour celle du second, on alla chercher une échelle, et elle fut descendue assez prestement aux acclamations bruyantes de la foule, qui, à ce moment, avait pris des proportions formidables. Quand vint le tour de l'affiche du troisième étage, on constata que l'échelle était trop courte. Une délégation fut envoyée à l'intérieur pour sommer le propriétaire Bosch de grimper à l'étage supérieur et de faire disparaître lui-même son écriteau. Les pourparlers durèrent quelques minutes pendant lesquelles la foule de plus en plus houleuse manifestait son impatience par des cris et des menaces. Enfin, à la grande réjouissance de tous les manifestants, on vit le Bosch ouvrir une fenêtre et décrocher son enseigne. Toute la plage retentit des acclamations de la foule qui pouvait bien, à ce moment, représentait un millier de personnes. Immédiatement, on se met en marche, on va quérir la fanfare, et 10 minutes plus tard, la foule, toujours grandissante, revenait, fanfare en tête vers la plage, qui retentit des accords d'une musique joyeuse. Enfin, les manifestants s'arrêtent sur un square où l'harmonie joue l'air national belge, la Brabançonne, puis des partitions musicales, et toute la jeunesse se met à danser. Le lendemain, la fière et noble réponse du roi et du gouvernement belge à l'ultimatum allemand était publié. Un héros en lisait le texte à tous les coins de rue aboutissant à la digue. Une troupe bruyante de jeunes gens suivait le héros, et chaque fois que la lecture du document était terminée, un tonnerre d'acclamations sortait de ses jeunes poitrines. Cependant, les nouvelles les plus alarmantes couraient de bouche en bouche. On disait que Visé était en feu, qu'Argentot avait été détruit, que des civils avaient été exécutés, que c'était dans la région située à l'est de la Meuse la terreur et la dévastation, que les Allemands, sans même attendre la réponse faite par la Belgique à leur sommation provocante, en avaient envahi le territoire. Cette violation du territoire belge ne me surprit pas énormément après les révélations qui nous avaient été faites par ce monsieur et cette dame de gants sur le train qui nous avait amenés à Ostende. On s'imagine quelles angoisses ces sinistres nouvelles créaient chez nous, chez nos amis de la plage, comme chez nous, comme chez tous les Belges en villégiature à Middelkerk, à Ostende et dans les environs. Je me rappelle encore la cruelle anxiété dans laquelle se trouvait cette pauvre dame d'Anciot, dont la résidence habituelle était aux environs de Liège. Elle était sans nouvelles de son mari et de quelques-uns de ses enfants, demeurés dans l'est de la Belgique. Voyant la tournure inquiétante que prenaient les événements, nous décidons de retourner immédiatement à Anvers puis à Capellen.